Yippee-ki-yay, motherfucker. T'es non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs cinéphiles. Bienvenue dans Transmission numéro 35. Transmission, donc, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Aujourd'hui, on revient à une transmission sur l'actualité cinématographique qui est fortement chargée en cette fin novembre. On parlera aujourd'hui des Misérables de Lajli, puis nous parlerons de The Irishman, le film de Martin Scorsese, avant de faire un détour par le film de James Mangold, Le Mans 66, et on finira, et oui, je dois déjà l'annoncer à tous, nous sommes tous allés voir J'accuse, le film de Roman Polanski, et on finira par débattre sur ce film. En intro, je vais présenter mes chers camarades en leur posant chacun une question qui teintera, qui fera événement sur un des films d'aujourd'hui, puisque je crois que c'est la première fois en 4 ans de transmission que nous parlons à l'antenne d'un film de Martin Scorsese. Donc Julien, bonjour Julien Rombaud, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien, merci. Alors, attention, Martin Scorsese a dirigé Robert De Niro dans 9 longs métrages, sauras-tu les retrouver ? Alors, Mean Streets, Taxi Driver, New York, New York, La Valse des Pantins, Les Affranchis, Casino, The Irishman, et là il m'en manque un, c'est ça ? Il t'en manque deux. Vous savez, là à côté ? Les Nerfs à Vif. Les Nerfs à Vif, qui est pire, ouais, et... T'as dit New York, New York ? J'ai dit New York, New York. Oh, Raging Bull, évidemment. Ah putain, pas mal, pas mal, pas mal. Merci Julien, tu t'en es bien sorti. Mais Manu est à ma gauche. Et là, j'ai une question un petit peu plus difficile. Bonjour Manu. Bonjour Olivier. Alors, Joe Pesci et Robert De Niro ont tourné ensemble 7 fois, dont 4 sous la direction de Martin Scorsese. Mais sauras-tu retrouver les 3 autres fois ? Non. Tu peux faire appel à un ami. Je sais pas si j'ai vraiment d'amis autour de cette table. Non, non. pas là maintenant, en tout cas. Or, Scorsese, c'est quoi, wow, ouais. Maman, j'ai raté l'avion, il n'y a pas un caméo de... C'est une blague. Il ne joue pas dans L'Arme Fatale. L'Arme Fatale 4. Et bien pourtant, c'était dans un film de Sergio Leone. Il était une fois en Amérique et puis 2 fois sous la direction de Robert De Niro lui-même. Ah bah ouais. Il était une fois le Bronx et raison d'état. Manu, la loose aujourd'hui. Lucien Alfland, c'est là en face. Putain, j'ai peur. Martin Scorsese a dirigé Harvey Keitel dans 6 longs métrages. Sauras-tu les retrouver ? Who's that knocking at my door ? Mean Streets. Taxi Driver. 6. La Tentation du Christ. J'ai dit Mean Streets. Oui. Il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il s'appelle The Irishman, justement. The Irishman. Et il t'en manque un. Attendez, laissez-moi. Kundun, ouais, il était bien maquillé, hein, Keitel, non, Kundun. Le maquilleur a eu un Oscar, je crois. Ah non, je l'ai pas. Alice n'est plus ici. Alice doesn't have any more. Ah oui, très juste. Avec une belle coupe de cheveux. Bon, mais vous êtes quand même pas trop mal. Vous en êtes pas trop mal tiré, bon, à part... Manu, Sergio Leone, quand même, je pensais que tu allais retrouver le Sergio Leone. Bref, c'est pas très grave, puisque de toute façon, nous allons absolument pas parler de Martin Scorsese maintenant, puisqu'on va parler, après l'adaptation de Tom Hooper, qui s'appelait Les Misérables, nous allons maintenant parler des Misérables de Lajli. Ici, c'est notre vie. Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter. Hey, les gars, soleil. Ceux qui te respectent, tu me parles. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout. C'est quoi, les chats ? Quand t'as volé un lion ? Ouais. Mets la pression sur les petits, faut qu'on retrouve le lion. Arrête-toi, là ! Vous n'éviterez pas la colère et les cris. Putain ! La galère, c'est qu'il y a un drone qui nous a filmé. Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone ? Là, il y a un gamin inconscient, là. C'est qu'on peut faire tomber la BAC avec cette vidéo si on veut. C'est quoi votre problème à vous ? C'est quoi votre putain de problème ? Les Misérables, c'est le premier long métrage du français Lajli, qui est originaire de Montfermeil en Seine-Saint-Denis, et qui a commencé aux côtés de Kim Chapiron et Romain Gavras au sein du collectif Court Trajmé. Après ça, il a réalisé des documentaires, notamment 365 jours à Montfermeil en réaction aux émeutes de 2005 ou le très remarqué À voix haute en 2017. La même année, alors qu'il tourne avec des policiers, il filme accidentellement une bavure. Cela deviendra le sujet du court-métrage Les Misérables, qui sera multiprimé. Il a donc décidé à partir de là de l'adapter en long-métrage et il s'est fait aider pour ça par deux co-scénaristes qui sont Giordano Gederlini et Alexis Mananti. Qui est un des acteurs du film. Stéphane est une nouvelle recrue de la BAC de Montfermeil, donc la brigade anti-criminalité. Deux policiers, Chris et Guada, se chargent de lui faire découvrir les différents types de pouvoirs en place. Il y a notamment le maire, qui, on ne sait pas s'il est autoproclamé maire ou si c'est vraiment le maire, mais bon bref, qui essaye d'imposer son ordre. Les frères musulmans qui tentent d'en imposer un autre ordre. Il y a aussi Buzz, un jeune ado qui joue avec un drone et des hordes d'enfants en vacances sans surveillance, dont notamment le petit Issa, qui subtilise un lionceau à un cirque qui s'installe en ville. Et à peu près 45 minutes de film, quand même, il faut le dire, il y a une bavure policière. Le film est interprété par Damien Bonnard, donc l'acteur de Rester Vertical ou de J'accuse, dont on parlera plus tard, mais aussi Djibril Zonga et Jeanne Balibar. Lucien. Qu'est-ce que j'ai pensé des Misérables ? Il y a du cœur dans le film et le film pue assez la vérité, ce qui pour moi est une qualité en soi dans ce genre de proposition. Après, le propos du film tient dans les trois lignes qui le concluent, enfin dans les trois lignes d'Hugo, écrites par Hugo, qui conclut le film dans un carton. Les précisions qu'il essaye d'apporter par rapport à ce propos me semblent ou très lourdement appuyées ou à peine esquissées par instant. Je pense entre autres au traitement de l'islam grandissant dans les banlieues, etc. Par instant même carrément brouillonne sur la, tu parlais du maire, on sait pas trop, enfin la espèce de stratification politique intramuros, si je peux dire ça comme ça. Et oui, donc fatalement sur ce genre de sujet, moi j'ai évidemment pensé à la série de David Simon, The Wire, qui donc peut traiter un peu de problématiques semblables mais avec un vrai traitement parfois par instant presque, enfin, même carrément journalistique. Et surtout, c'est là que le bas blesse pour moi, c'est qu'il faut se fader la forme qui, pour le coup, fait plus personnellement, en tout cas dans sa première moitié, m'a plus fait penser à Mai Wen qu'à David Simon. À travers une caméra qui est dans un mouvement permanent, parfois totalement absurde, je pense, sans trop rentrer dans les détails, mais une scène de course-poursuite avec le Buzz, le gamin du drone, il y a des moments où je sais pas pourquoi la caméra bouge autant. C'est vraiment des moments où lui s'arrête de bouger, le cadreur avance et recule comme s'il faisait un pas en avant, un arrière, pour moi absolument incompréhensible. Je pense quand même à la défense de l'Ajli, il y a quand même un minima, je pense à la louche, au moins un millier de faux raccords en moins que chez Mai Wen. Mais on est entre David Simon et Mai Wen, on est d'accord, mais... Et puis alors, il y a ce scénario qui est assez malin parce que assez fonctionnel dans ce qu'il veut créer, mais dont on sent absolument toutes les coutures. Hein. Moi, je pense que à partir du moment où on voit ce flic dégueulasse et un drone, moi, j'ai exactement compris toute la trajectoire du film. Je pense que l'enchaînement des scènes est extrêmement écrit, extrêmement évident. Voilà, après... Je pense que Les Misérables ne veut pas être un film à thèse, c'est un film qui veut parler aux tripes, et par instant ça peut marcher. Je pense que dans sa dernière demi-heure, le film se déploie un peu sur un terrain plus osé, plus efficace. Après voilà, je me répète, je pense que le film soulève des propos intéressants, mais sans jamais vraiment les traiter, ou en tout cas sans profondeur aucune. Je pense sur la fin pour le coup, parce que la fin clairement c'est... Il va montrer le soulèvement de la banlieue, mais pour un film qui est assez contemporain des Misérables, il le fait de manière cinégénique et bien plus efficace que par exemple dans le Joker, dont on a beaucoup parlé récemment. Je trouve l'ampleur qu'il donne à la fin, il y a quand même du cinéma, il y a un souffle dans ce moment-là, carrément. Le côté un peu inextricable de cette situation à ce moment-là dans cette barre d'immeubles. Après, je suis d'accord avec toi qu'il y a dans sa volonté un peu d'embrasser toutes les strates de la société, que ce soit les frères musulmans, les gitans qui tiennent le cirque, etc. Je trouve que le film, à un moment, veut dresser un portrait trop complet de cette société, et au final, ils sont quand même réduits à l'état de silhouette, et c'est un petit peu le problème, je pense, que les personnages, est-ce qu'il veut en dire les seuls personnages qui existent, un tant soit peu, à mon sens, c'est quand même les flics. Ouais. Oui, parce qu'il les fait revenir chez lui, qu'il est, enfin, chez eux à la fin de la journée, par exemple. Je crois que c'est ça qui est. C'est extrêmement écrit. Quoi. Quand tu vois ça venir, tu comprends exactement là où il veut en venir, et je trouve ça un peu lourd. Moi, La crainte que j'avais vis-à-vis des Misérables, c'est que ce qu'a fait le collectif Courtrage-Mé, j'ai jamais trop apprécié en termes de que ça soit autant au niveau du court métrage que les. Que ce qu'ils ont fait par la suite, le premier long métrage de Kim Chapiron, Shaitan ou les films de Romain Gavras, j'ai beaucoup de mal. Je trouve qu'il y a un côté très provoque, même si Kim Chapiron, ça s'est amélioré sur son deuxième film qu'il a fait aux États-Unis. Mais voilà, il y a un côté un peu provoque, très bas du front qui me gênait. Là, je trouve que le film est plus construit, plus pensé. Il y a le choix de Damien Bonnard, je trouvais est assez chouette en termes de casting, parce qu'il a un physique un petit peu que t'as du mal un peu à cerner. Il pourrait presque jouer en fait plus le flic un peu bas du front qui est interprété par le co-scénariste du film, là où il est montré comme un flic un peu plus lettré qui vient d'un autre milieu. Il a comme s'il n'était pas à l'aise dans son corps, et je trouve que c'est assez bien restitué dans le film. Après, moi, le souci, c'est qu'il y a des moments où il y a des belles idées, notamment cette idée de faire référence à Hugo et d'en faire une version moderne. Mais typiquement, la scène de confrontation avec le chef de l'escadron de la BAC et le jeune gamin à la toute fin du film, et la manière dont il veut le transformer en Gavroche moderne, c'est tellement surappuyé. C'est que cette scène-là, pour moi, elle me fait penser plus au sketch des Inconnus que réellement à ce que... Mais c'est dramatique, c'est pas du tout pour me moquer du film, mais c'est vraiment... C'est la référence qui m'est venue à ce moment-là dans le film, et je me suis dit, là, il y a un souci, parce que l'idée est belle en soi, mais ce personnage de gamin n'existe pas, donc en fait je suis pas ému par sa tragédie à ce moment-là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, et en même temps sur moi elle fonctionne, cette scène. Elle fonctionne parce que je suis d'accord avec toi, les persos, enfin, et avec ce que vous avez dit avant, les personnages sont un peu schématiques et pas assez explorés, et du coup on manque de quelque chose d'épais à se mettre sous la dent et de voilà qui va faire qu'on puisse être ému par la scène. Mais pour moi elle fonctionne quand même je sais pas à quoi ça tient, le visage tuméfié, les coups, les trucs, la façon dont tu vois ce petit gamin complètement défoncé qui essaye d'ingurgiter ce qu'on lui dit, je sais pas. Mais pour ça, moi, tient, ça tient, je pense, principalement, comme je le disais, au fait que le film est bourré d'idées et de cœur, et que du coup on a envie de lui pardonner plein de ses défauts. Ouais, certainement. Mais d'ailleurs, j'ai pas grand chose à ajouter sur ce que vous avez dit, parce que je suis d'accord avec les petites carences et les défauts du film. Dans ce que vous dites, il y a des scories, il y a des maladresses. Pour ma part, je rehausserai un peu les qualités dont tu parles, Lucien, au tout début, qui sont ce que tu viens de dire, le cœur, etc. Je trouve quand même qu'effectivement il y a une belle fougue, une belle colère, un bel engagement dans ce qu'il a envie de raconter. Et une bienveillance vis-à-vis de ces personnages-là. Le chef de l'escadron de la BAC, il est montré comme un rouage du système. Purement un pur personnage de brut raciste. Il n'y a pas de mauvaise herbe, il n'y a pas de mauvais homme, il n'y a que des mauvais cultivateurs. C'est ça que développe le film. Ouais. Effectivement, il n'excuse personne et en même temps il n'attaque... Dans ses personnages, il n'attaque personne. Par contre, on le laisse imaginer qu'il attaque quelque chose de supérieur et de hors-champ. Mais ce qui est intéressant et qu'il a réussi à faire, c'est justement de ne pas rendre complètement détestables les flics, qui le sont un peu au début. Le personnage de Chris est un peu repoussoir au début, mais je trouve que plus le film avance et plus on comprend un petit peu, c'est un peu Renoir dire tout le monde a ses raisons, c'est-à-dire qu'ils sont tous dans un engrenage terrible qui peut amener effectivement qu'à l'inéluctable et qu'au bordel final. Mais voilà, il n'y a pas de manichéisme terrible, où il n'y a pas de lui fait ça ou lui ne fait pas ça. Enfin, je trouve que chacun est pris dans le bordel. Oui, c'est ça, c'est un système sclérosé sur lequel il tire plutôt que sur ces personnages qui font parfois ce qu'ils peuvent avec leur qualité, leurs défauts, un peu comme le film. Je comprends ce que vous dites. En même temps, je ne suis pas d'accord sur le personnage de Chris, que moi je trouve vraiment être un connard fini, et j'ai trouvé ça quand même problématique. Enfin, pas problématique, mais ça ne m'a pas fait du tout plaisir de passer deux heures avec ce type-là, d'autant plus que je trouve que le personnage n'est jamais remis en question, ne vrille jamais de sa position dans laquelle il est, alors que pourtant tout est en place pour questionner ce personnage-là. Je trouve que le personnage de Damien Bonnard, il est très peu actif en fait par rapport à la situation dans laquelle il se trouve, et que ce qui se noue entre les trois flics est pas exploité quoi. Quand il parce qu'il se noue rien entre Bonnard et les deux autres, peut-être vaguement avec, on va dire, l'entre-deux, celui qui commet la bavure. Mais entre Chris et Bonnard, il ne se noue jamais rien. C'est presque un propos du film. Quand tu vois, par exemple, la réaction de Damien Bonnard à ce qui se passe, que ce soit avec les trois filles qui attendent le bus, ou après ce qui se passe au niveau de la bavure, je la trouve vraiment hyper minimale. Quoi. Fais quelque chose, C'est le propos du film. C'est que le gars est débarqué là où il vient. Il connaît rien, il se retrouve là, il ne sait pas agir parce qu'il n'a pas... Pour moi, c'est le propos. Le fait qu'il soit passif raconte justement son impuissance. Et c'est dans ce genre d'intervention scénaristique que, pour moi, il a un propos sur une gestion, par exemple, de ses effectifs policiers. Parce que c'est pas sa faute à lui, c'est la faute des gens qui l'ont placé là. Moi aussi, ça m'énerve qu'ils n'interviennent pas. Mais s'ils n'interviennent pas, c'est que ça fait partie du discours du film. Mais par exemple, au moment où, à un moment, il va quand même faire une action rebelle par rapport au flic dans lequel il se trouve en position d'infériorité. Ça arrive plus tard quand il s'est un peu formé. Ça arrive plus tard, mais ça n'aura finalement aucune conséquence. Pourquoi est-ce que c'est pas développé le rapport entre ces trois policiers ? Parce que moi, le film m'est apparu comme une très très très longue exposition. Et pour moi, le climax du film, c'était, je pensais que j'étais au tiers, quoi. Tu vois, je me disais, enfin, il se passe un truc. Et j'ai l'impression que le film ne va pas vraiment se frotter à ce qu'il a envie de raconter, et qu'au lieu de ça, il me fait une espèce de radiographie de la banlieue avec, donc, vous l'avez dit, des personnages qui sont sous-exploités, sous-écrits, avec des répliques qui sont quand même problématiques. Enfin, je veux dire, il y a des trucs qui disent où t'y crois pas une seconde. Enfin, je veux dire, quand les gitans, ils arrivent devant le maire, et qu'il y a cet effet scénaristique de retarder la révélation de qu'est-ce que c'est le Johnny, je veux dire, c'est quand même hyper écrit, hyper lourd, quoi. C'est en ça que je disais que les scories, pour moi, elles sont dépassées par le cœur et la fougue du film, parce que je trouve que dans la mise en tension qu'il y a à partir de cette scène de gitan qui commence à resserrer un petit peu l'étau et où on sent le problème arriver, je le trouve assez bon, alors pas assez écrit dans les personnages, etc., mais assez vif et assez nerveux que pour m'impliquer moi émotionnellement dans le film. Le problème par exemple de ces gitans, c'est que pour moi, c'est là où se cristallise assez un des problèmes d'écriture du film, c'est qu'en fait, ils dépassent jamais le stade de ce qui les a fait apparaître dans le champ médiatique. C'est avec ces vidéos qu'on a vu de ces personnages-là qui s'insultaient de clan à clan, etc., avec ce même type d'insulte. Et en fait, ils restent au même niveau tout du long. Dans la première confrontation avec le maire, on ressort la même chose. Et la fin, avec le passage, avec la confrontation avec du lion, ces personnages-là restent au même niveau, bas du front. Et c'est un peu problématique, parce qu'en fait, au final, il y avait quelque chose d'intéressant de se dire, je prends ces personnages-là qui ont surgi dans l'actualité récente pour en faire des personnages de fiction, mais en fait, ils dépassent pas le cadre des capsules dans lesquelles on les a vus émerger, quoi. Les personnages ne changent pas, et pour moi, c'est un problème. Après, quand même, la scène de fin, en effet, je trouve que là, on sent que c'est dans un décor réel, on sent que le piège s'est refermé, et graphiquement et émotionnellement, pour moi, c'est vraiment la seule scène qui fonctionne, quoi. Formellement, là, je suis absolument d'accord. Pour revenir sur ce que disait Manu tout à l'heure et qui parlait du Joker, moi, je trouve qu'il a... Il y a ce même défaut pour moi que je vois souvent dans les films, et ça m'hallucine un peu d'arriver à la fois être extrêmement appuyé au niveau de l'écriture sur certaines choses et de ne traiter qu'en surface ce qu'il veut traiter. Et ça, je trouve qu'on retrouve un peu cette scorie-là dans le Joker. Je trouve que c'est presque un exploit d'arriver à être à la fois lourd et en retrait. Je voulais revenir sur cette notion de surplace des personnages, et je crois qu'ici personne connaît assez bien la banlieue de toute façon, mais je suis pas sûr qu'effectivement, bien sûr qu'ils sont bien plus que ce qu'ils sont montrés à l'écran, mais voilà, dans ces vidéos dont tu parles, d'échanges d'insultes, etc., J'ai l'impression que c'est quelque chose qui tourne en rond depuis des années, des espèces de surplaces, de clans qui se forment, de choses qui n'arrivent pas à évoluer, de choses qui n'arrivent pas à avancer. Alors je fais attention à ce que je dis en disant ça. Mais justement, pour moi, c'est peut-être... je ressens un manquement vis-à-vis du film. C'est même dans cette séquence réussite de fin, la manière dont il conclut l'affrontement entre le jeune garçon et Damien Bonnard dans les escaliers. Le cinéma, ça se joue à des petits détails. Ouais. Et la manière dont ils sont cadrés à la fin, le léger relâchement du personnage de Bonnard, le léger relâchement du garçon et la manière dont ils terminent cet échange de regards montrent qu'en fait, il ne va pas aller vraiment à la confrontation. Ouais. Tu ressens que les choses vont s'apaiser alors qu'il n'y a aucune raison. Et cette manière de parler frontalement sur le fait, sur une radicalité politique et à la fois cinématographique, de vraiment montrer cet affrontement, j'y vois aussi un petit désaveu de la part du film d'embrasser vraiment quelque chose. D'autant plus que bon, ce film-là arrive après un an de colère de Gilets jaunes, le fait que justement on sait que la répression qui s'est abattue sur les Gilets jaunes pendant cette année, elle a été expérimentée dans la banlieue, donc en banlieue, sur ces classes populaires-là, et justement il y avait quelque chose d'intéressant à développer dans cette manière-là, dans la manière dont justement on a expérimenté ce genre de violence sur un corps social, et aujourd'hui dans quel état on est. Et je trouve que il reste dans cet entre-deux à la fin, et c'est assez frustrant. Après, vous semblez tous les trois d'accord, et moi je vois pas un apaisement dans la dernière image. Donc après, je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Manu, mais je voudrais juste revenir sur la notion de surplace des personnages, parce que je pense aussi que pour le coup, ça, c'est, je sais pas si c'est une volonté, mais en tout cas ça représente quand même bien le fait que ces personnages sont englués dans une toile qui ne leur permet pas de bouger, et donc fatalement font du surplace. Après, c'est vrai que ça empêche un propos de se déployer. Un romanesque de se déployer. Exactement. Voilà. Et pour preuve, le seul personnage un peu extérieur à ce milieu social est incarné par une comédienne qui vient plus du cinéma d'auteur, qui est Jeanne Balibar, et le personnage est quand même extrêmement problématique. C'est vraiment la vieille France, la vieille République déchue, etc. Je trouvais sympa de la part de Balibar de prêter son image au traitement qu'en fait Lajli. Bon, je pense qu'on a été très long sur Les Misérables, et on va enchaîner maintenant avec un film très long, The Irishman de Martin Scorsese. Frank Sheeran. Am I saying that right? Yeah, you said it right. Under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So, you ever show up late? No. Do you have any moving violations? No. Do you drink on the job? No. You ever hit anybody? On a job? Yeah. I don't think so. All right, then. We don't have nothing to worry about. But now I'm a man. I want you to meet my cousin, Russell Bufalino. How are you? Hi, nice to meet you. It was like the army. You followed orders. You did the right thing. You got rewarded. I'm a man. A friend of ours is having a little trouble. A friend at the top. Back then, there was nobody in this country who didn't know who Jimmy Hoffa was. You got a gun! Get that gun out of his hand! You always charge a guy with a gun. With a knife, you run away. Nous en parlions en début d'émission. Martin Scorsese, donc 77 ans, a réalisé et coproduit The Irishman, une vaste épopée de 3h30, avec à son casting rien de moins que Robert De Niro, Joe Pesci, Al Pacino, Harvey Keitel, mais aussi Anna Paquin, Bobby Cannavale, Ray Romano ou Stephen Graham. C'est un projet pour Scorsese qui remonte au début des années 2000. Et pour celui-ci, il retrouve son scénariste de Gangs of New York, Steven Zalian, qui adapte le livre de Charles Brandt, I Heard You Paint Houses, Frank, The Irishman Sheeran, and Closing the Case on Jimmy Hoffa. Voilà, tout ça. Inspiré de faits réels, se déroulant sur une cinquantaine d'années, le film compte l'histoire de Frank Sheeran, père de famille irlandais d'abord chauffeur routier, qui lie progressivement des liens avec la mafia, avant de devenir l'homme de confiance du syndicaliste Jimmy Hoffa. Le film, qui a coûté plus de 125 millions de dollars, a été majoritairement produit et distribué par la plateforme Netflix. Mais nous, ici, en Belgique, on a la chance que le film soit relativement bien distribué, ce qui n'est pas le cas pour les spectateurs français qui découvriront le film en streaming. Voilà. Monsieur Julien Rombaud, qu'avez-vous à dire sur The Irishman pour entamer le débat ? Écoute, c'est un film qui m'a donné des sensations différentes. Je suis très vite rentré dedans avec ce premier plan en travelling qui nous amène jusqu'au très vieux Frank Sheeran dans sa chaise et dans son home. Je trouve qu'il y a tout de suite quelque chose d'immersif. Et ensuite, je suis un peu partagé dans la première heure du film parce que il y a une espèce d'ampleur de mise en scène, une ampleur qui rappelle un peu une fresque comme Casino, on en parle pas mal pour le film. Quelque chose de beaucoup de personnages, différentes époques, etc. Et en fait, je suis assez perdu dans le film pendant la première heure. Et paradoxalement, c'est quand ça se resserre principalement sur l'intrigue, disons, entre Jimmy Hoffa et Frank Sheeran, que j'accroche vraiment les wagons et où je trouve que la tension se met en place et que la mise en scène avance complètement. Bon, on a beaucoup parlé de ce système de... De-aging, de rajeunissement. Effectivement, je crois que ça participe à ma confusion. Parce que moi, j'ai essayé de faire fi de ça, comme je disais à mon copain Lucien, d'oublier ça pour plonger dans le film et pas m'arrêter au visage. Mais c'est vrai que ça participe, je crois, à la confusion des différentes époques. Parce que De Niro est censé avoir 40 ans, on a l'impression qu'il en a 60, et c'est pas toujours très clair. Tu veux rajouter quelque chose ? Ben oui, c'est un peu dommage de commencer par peut-être les bémols du film, mais... C'est vrai que, et pourtant, je ne suis pas très attaché à la vraisemblance dans les films. Ce n'est pas quelque chose qui me sort facilement du film. Mais là, c'est vrai qu'il y a des moments où moi, ça m'a sorti du film parce que pour moi, ça ne fonctionne pas. Quand De Niro est appelé Kid dans le film alors qu'il a l'air de faire 60 balais, moi, ça me pose problème. Quand il tabasse un mec au sol et qu'il est raide comme un balai, on voit clairement qu'il a 30 ans de trop et 30 kilos de trop, moi, ça me permet pas de croire en ce personnage qui, par ailleurs, est assez bien écrit, mais j'ai vraiment un problème avec ça. C'est principalement cette scène de tabassage, justement, d'épicier, où on voit clairement que le corps ne correspond pas à l'âge qu'il est censé avoir, et c'est vrai que ça sort un peu du film. Mais, parce que moi, je vais quand même dire beaucoup de choses positives, c'est que une fois qu'il y a vraiment cette histoire avec Hoffa et Sheeran, donc avec Al Pacino qui entre en scène, disons, je trouve qu'il y a des trajectoires très claires, très lisibles de mise en scène, que la mise en scène fonctionne sur des trajectoires de personnages. Il y a des choses qui fonctionnent très bien, comme par exemple des raccords qui se font en trois plans, on a compris une scène, on dit vous avez un très bon ami, on se regarde dans les yeux, on arrive sur les flingues, c'est un peu une synthèse de mise en scène. Et surtout, je trouve que dans le personnage de Pacino et ce qui s'y joue, je trouve qu'il survole un peu le film. Enfin, ils sont tous très bons, hein, là n'est pas la question, mais dans ce qui s'y joue, dans son abnégation à ne pas se rendre compte que les choses changent, que le monde tourne et que il n'est plus forcément dans le coup. Alors moi, je peux pas m'empêcher d'y voir quelque chose d'un peu théorique, peut-être d'intellectuel, de Martin Scorsese qui s'accroche à ce cinéma qui est le cinéma de la mafia, le cinéma des durs à cuire. Et en même temps, il y a quelque chose de très beau parce qu'il y a une passation, on dirait qu'il accepte ça, qu'il accepte que maintenant ils sont vieux et mous. Je trouve que le plan où ils sont tous, je sais pas si c'est un hôpital ou une prison, je me rappelle plus bien, ils sont tous en fauteuil roulant, ils jouent aux boules, etc. C'est à la prison. Ils sont complètement mous, bref, ils ont mal partout. Je trouve ça drôle et touchant par rapport à ce que raconte le film et par rapport à la trajectoire de Scorsese. Justement, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que Scorsese, il est souvent associé au film de gangster. Au final, il en a réalisé assez peu, mais des films marquants, parce que je crois que ça en tient sur quatre. Si on compte Mean Street, on compte Casino, on compte The Goodfellas et The Irishman, ça ne fait pas tant de films que ça. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à chaque fois, c'est une nouvelle proposition, un nouveau regard qu'il pose dessus. Il ne cherche pas du tout à réactiver quelque chose ou de il cherche pas à refaire le même film. Il cherche jamais à refaire le même film, et c'est ça qui est intéressant. Et il y a vraiment une manière, effectivement, dans ce film-là, d'enterrer un peu le genre. de son premier plan, ce dernier plan, c'est vraiment une marche funèbre derrière cette volonté de pouvoir, de richesse ou toute autre forme de réussite sociale, à la fin, ce qui va te rattraper, c'est la vieillesse, c'est la mort, la maladie, tes proches qui vont se détourner de toi. Il y a notamment, une très belle scène de non-confrontation avec sa fille qui, moi, je trouve bouleversante parce qu'elle se joue entièrement dans les regards et tu vois, en fait, que peut-être la seule chose à laquelle avait peut-être envie de se raccrocher De Niro, le personnage de Sheeran, elle lui échappe totalement. Mais moi je trouve que tu peux étendre ça à tout le rapport et toute la construction qu'il y a avec le personnage de sa fille Peggy, qui est que joué sur des silences, alors que le reste du film est joué sur énormément de logorée. Et je trouve que ce rapport qu'il a avec sa fille, moi, c'est vraiment bouleversant et c'est construit en contrepoint par rapport au reste, justement. Voilà. Alors après, tu parlais effectivement du rajeunissement numérique. Et on va pas se voiler la face, c'est quand même un raté du film. Alors quand je parle de raté, c'est un raté, c'est pas forcément un raté technique, parce que la plupart du temps, en termes de visuel, ça fonctionne assez bien, mais c'est plus dans le parti pris et le pari qu'a fait Scorsese de pari narratif lié à ça. Et c'est qu'en fait, ce rajeunissement numérique, il est notamment très problématique quand tu te retrouves avec un grand écart entre le De Niro de 70 ans, et quand on veut le rajeunir, quasiment les séquences les plus problématiques sont celles, la séquence qui est une portion congrue du film, qui est la séquence où on le retrouve pendant la Seconde Guerre mondiale, où là c'est vraiment, je pense, la scène la plus problématique de tout le film. Et se pose la question effectivement de score de De Niro qu'on connaît très bien. Et à un moment, tu ne peux pas tricher dans de telles proportions. Et c'est la même chose d'une certaine façon qu'on a sur le maquillage prosthétique. À un moment, les rajeunissements à une telle échelle et sur une telle amplitude sur une durée de film, pour moi, ça ne fonctionne pas. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce que le Deadjin pourra apporter réellement dans ce type de parti pris qui n'est pas un parti pris uniquement technologique. Il y a un vrai projet de mise en scène sur le temps qui passe et ça fonctionne moyennement sur cet aspect-là dans le film. Je pense que peut-être, justement, tu parlais de la raideur par exemple de Niro au moment où il tabasse le personnage en sortant de l'épicerie. Est-ce qu'il aurait peut-être pas plus intelligent à ce moment-là, justement, d'utiliser des doublures avec des personnages plus jeunes, de croiser un peu la technologie, ne pas se reposer uniquement sur du rajeunissement numérique, parce qu'à un moment, voilà, le corps de Niro, il peut pas tricher. En plus, tu le connais très bien, et notamment chez Scorsese. Je suis absolument d'accord avec ça, et je rajouterais même pour appuyer ce propos que moi je trouve aussi que la voix de Niro a changé, et ça a beau être l'un des plus grands acteurs qui soit, son timbre de voix a changé, et il peut rien y faire. C'est comme ça. Alors à part si on s'amuse à la modifier par la suite, il y a quand même aussi, je trouve, une rupture qui se crée entre ce visage qui rajeunit et cette voix qui est la même, et dont on sent qu'elle est un peu plus traînante, un peu plus vieillissante que c'est ce que tu dis, Manu. Il a un rapport, on connaît tellement, il a un rapport tellement iconique au cinéma et chez Scorsese évidemment, et on le connaît tellement que, en fait, ce qui est étrange dans la proposition, c'est que le De Niro rajeuni ne ressemble pas, j'ai l'impression, totalement au De Niro, au vrai De Niro jeune. C'est tout simplement impossible sur base d'un Niro de 70 ans. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que la partie du film sur laquelle tu raccroches le plus, c'est quand même à partir de la moitié du film où on se rapproche, l'écart d'âge est beaucoup moins grand. Après, je trouve le film extrêmement bien construit dans son écriture, notamment tous ces allers-retours, que la manière dont est monté le film, les allers-retours sont d'une fluidité totale, et il y a une intelligence aussi d'écriture derrière qui est de construire ça sur le dernier voyage un petit peu de Niro et Pesci sur la route qui va mener à la mort de Jimmy Hoffa. Et par cette écriture de... Mais c'est pas un spoiler que Jimmy Hoffa est décédé. Hein. C'est un fait historique maintenant. Même si on pouvait avoir des doutes pendant certaines années, jusqu'au début des années 80, sur le fait qu'il ait disparu ou qu'il soit mort. Mais en tout cas, il y a une vraie intelligence à la fois dans le montage et dans la construction scénaristique de faire en sorte qu'en fait, De Niro, malgré son évolution, reste comme au début, un simple chauffeur qui n'a même plus aucun choix sur la destination qu'on lui propose. Et je trouve ça, ces petits détails, que le film est d'une justesse absolue. C'est un mec qui trace des lignes et qui fait des stops. Et il sait pas ce qui se joue à chaque fois dans le stop qu'il fait. Ce qui est assez brillant avec ce montage aussi, c'est qu'il crée une sorte d'un rythme un peu étrange en accélération, décélération, qui rend peut-être un peu plus digeste la densité du scénario. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Manu. Moi, j'ai trouvé que c'était un film bouleversant. Moi, j'ai pas eu de problème d'accroche. Je suis rentré dedans immédiatement. Après, c'est sûr que le de-aging pose des problèmes. Bon, bref, vous en avez bien parlé. Le côté, le corps, la raideur du corps et le côté un peu moins mobile du corps de De Niro, le côté tronc avec cet aspect des joues qui perd en expression clairement sur son visage. Quelque part, je trouve que ça va dans le sens du personnage de cet Irlandais qui est une espèce d'homme de main. Et c'est le film ici, il n'est pas du tout flamboyant, il n'est pas du tout... Il a l'opposé de l'image des films de gangsters qu'on connaît chez Exactement. Scorsese. Exactement, c'est un film beaucoup plus discret, pas du tout dans la flamboyance, qui prend tout à fait le contrepoint de ce qu'on pouvait attendre. D'ailleurs, Joe Pesci, c'est très parlant, que lui qui était si explosif dans les autres films de Scorsese sur la mafia, qui sont peu nombreux, tu l'as dit Manu, ici, c'est le mec qui ne dit jamais un mot plus haut que l'autre. Et qui en même temps est hyper glaçant. C'est le mec qui fait tuer ta famille, et pendant ce temps-là, lui, il se met en pyjama, il va se coucher à 9h. Quoi. Mais c'est vrai, il est hyper glaçant. Et d'ailleurs, je trouve que c'est super bien construit, la manière dont De Niro croit ou commence à construire des rapports d'amitié. Il ne sait pas très bien où est-ce qu'il en est. Et en fait, perpétuellement, on le ramène à sa condition qu'il est dans le jeu de la mafia et qu'il n'est qu'un exécutant. Et c'est rare d'avoir un film qui soit comme ça, du point de vue de cet exécutant qui ne sait jamais vraiment qu'est-ce qui se joue au-dessus de lui. Il n'est qu'une espèce de marionnette, finalement. Et j'ai même l'impression aussi que, clairement, au-delà d'être un pion, il est aussi un personnage qui n'a pas le niveau pour comprendre en fait, ce qui se joue réellement. C'est quasiment, à ce niveau-là, un personnage... cohénien, à mon sens, le personnage de De Niro. Oui, et en même temps, c'est aussi ce qui lui permet d'être, je ne vais pas dire neutre, mais le trait d'union de quelque chose, où quand il se retrouve entre Jimmy Hoffa et je ne sais plus comment il s'appelle, son ennemi pro. Ah, le petit. Le petit. Mais non, il est surnommé le petit, l'ennemi syndicaliste. Ouais. On l'appelle pro aussi, mais bon, quand il est entre les deux à la table avec cette discussion, c'est aussi lui qui essaye d'arrondir les angles, d'apaiser, etc. Et ça participe au fait que ce soit plus tape à l'œil et plus un caïd de quelque chose. Ça participe au fait que son personnage soit très humain. Il y a cette scène, en effet, dont parlait Oli tout à l'heure. Je ne sais plus si c'était en off ou pas, mais... où ce personnage de pro se réplique en retard et en short. Et donc le ton monte un peu entre les deux, on va dire les deux têtes pensantes que sont pro et Jimmy Hoffa. Et les deux qui arrondissent les angles, comme tu dis, c'est De Niro et cet homme de main de pro. Ouais, enfin, il y a deux scènes un peu d'altercation entre pro, disons le petit pro et Jimmy Hoffa. Et je les trouve, pour le coup, il y a un sens... du dialogue, enfin c'est très très bien écrit, et la façon dont il reproche c'est en ça que je parlais de l'entêtement de Pacino aussi, c'est la façon dont il reproche d'être en short, la façon dont il reproche le retard, c'est ne pas accepter que le monde bouge. Il a fallu que j'attende la fin du film pour comprendre cette appui qu'il y avait sur la haine de l'attente qu'avait Pacino. Et du coup, c'est de là que naît l'émotion aussi de ce que j'essaie d'expliquer dans ma première prise de parole. Mais c'est exactement ce sur quoi je voulais reprendre, c'est-à-dire que c'est pas seulement un truc qui va servir le récit narrativement, mais c'est un truc qui va aussi servir la double lecture que tu peux avoir du film. C'est vraiment un film qui avance extrêmement lentement et qui porte un regard rétrospectif sur les événements. Et c'est aussi, tu peux avoir une double lecture avec, en effet, c'est le requiem d'un cinéma qui n'existera plus. Et quand tu vois toutes les références, moi j'en ai compté des références au Taxi Driver ou au Parrain, j'en ai surtout vu à ces deux films-là. Mais pour moi, c'est aussi... les héros de ma jeunesse qui sont vieux, croulants, gaga, oui, et un cinéma qu'on ne verra plus. Et c'est un peu une espèce de barreau d'honneur sur ce cinéma-là. Et c'est ça qui m'a profondément déprimé, parce qu'en plus, le film est vraiment compté du point de vue d'un homme très seul et qui a traversé tous ces événements-là et qui se retrouve avec cette solitude-là. Et qui reste complètement seul. Et je trouve que ça fait sens aussi que De Niro soit cet acteur qui demeure debout, vivant, fatigué dans le cinéma de Scorsese. C'est assez beau, ouais. Ouais, moi je suis absolument d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. J'ai trouvé le film brillant, mais il est vrai que, comme j'ai pu le laisser entendre dans mes premières prises de parole, j'ai pu sortir plusieurs fois du film, et je trouve que s'il y a un jeu sur les rapports triangulaires entre les personnages, entre Irlandais, Italiens, etc., qui est vraiment brillant, qui est très bien écrit, qui est, comme on l'a dit plus tôt, rendu vraiment lisible et parfois dynamique par le montage. J'étais rattrapé, en effet, dans ces derniers instants, par cette mélancolie qui s'installe, par la solitude, les regrets, les remords, les confessions, même si les confessions, je les sentais depuis le début. Et alors, il y a un moment où, oui, clairement, tous ces personnages, tout le film, chaque plan, tout semble nous rappeler à leur mort prochaine, à la mort prochaine de toute chose. Et à ce moment-là, j'ai un peu repris en conscience des choses sur lequel j'avais des doutes plutôt dans le film, comme en effet cet appui certain sur la détestation des attentes d'Al Pacino, sur la longueur du film, sur des ralentis parfois. Je me disais, pourquoi il y a un ralenti là? Ben oui, ok. Sur l'utilisation même de cette technique du de-aging. Enfin bon, voilà. Et donc c'est vrai que cette fin pour ma part, a pu remettre un peu en cause plein de choses qui m'avaient ennuyé simplement dans le film. Alors je trouve le film brillant, mais je ne peux pas m'empêcher de sentir le temps passer. Mais justement, c'est quand même tout le projet. C'est tout le projet du film. Et tu es pris à la fin, mais c'est parce qu'en fait, il a construit tout ça dès le début. Bien sûr. Justement, typiquement, c'est un film qui gagnera avec le temps et être revu une fois justement que tu as déjà fait le chemin avec les personnages. Et je ne suis pas d'accord avec toi quand tu parles des confessions à la fin que tu voyais venir, parce qu'il n'y a pas de confession. Les anti-confessions, on va dire. Oui, les confessions sont totalement interdites, parce que typiquement, le seul moment où il pourrait l'esquisser. Les entretiens, on va dire. Il te montre en fait le côté dérisoire de l'histoire, puisqu'il montre cette photo-là de sa fille avec Jimmy Hoffa à l'infirmière. Et l'infirmière, clairement, a oublié qu'était Jimmy Hoffa. En plus, Scorsese donne à Jimmy Hoffa une image beaucoup plus... Bienveillante. Il incarne une certaine idée de l'Amérique qui est passée, et il n'y a pas une nostalgie surappuyée en fait dessus. Ce que je trouvais intéressant, moi, sur le personnage de Jimmy Hoffa, comme tu dis, d'habitude on le représente souvent comme une espèce de pourri intégral, enfin bon, et là on a une étrange empathie avec le personnage de Jimmy Hoffa, parce qu'en fait ici il est construit complètement en antagonisme avec le personnage de Pesci, et ici t'as quelqu'un qui en effet est un marlou, hein, qui est addict à la popularité, au pouvoir, mais il est plus spontané, il a plus de chaleur, ce qui dresse cette espèce de fossé représenté par la fille de Niro et l'attachement qu'elle a à Jimmy Hoffa, moi qui est un des enjeux que j'ai trouvé magnifique dans le film. Et tu sens qu'il s'accroche à quelque chose de beaucoup moins matériel, oui, et intangible que les autres personnages. Mais cette volonté à un moment de ne pas courber les chines, et ok, ben, si les choses doivent arriver comme ça, elles arriveront comme ça. On dit beaucoup de belles choses sur le film. On a assez peu parlé de mise en scène d'un point de vue factuel. On est chez Scorsese, quoi. Il y a des moments de cinéma absolument dingues, formellement, visuellement. Parfois, dans des petits détails, je trouve qu'il y a une scène qui m'a beaucoup parlé, qui se passe autour de la préparation d'une salade dans une cuisine, où je trouve le placement des acteurs mais dingue, et tout ce que ça raconte, enfin, c'est génial. Comment Scorsese va raconter la mort du personnage, enfin de la femme du personnage de Niro dans le film, à travers un plan sur des ramassages de mégots dans des cendriers, la scène iconique s'il en est de Niro au carwash, enfin il y a vraiment des idées visuelles absolument dingues. Julien en parlait aussi, l'intro, donc tu as ce plan au Steadicam que tu attends en fait dans un film de Scorsese, et là tu as c'est pas Les Affranchis, quoi. Dans Les Affranchis, t'as la descente dans le bar, les cuisines, tout est virevoltant, tout est impressionnant. Ici, ok, on te donne ton plan Steadicam dès le début. C'est pas Steadicam, c'est plan déambulateur. Hyper lent, ouais, voilà. C'est hyper lent. C'est dans une maison de retraite, donc il y a moins de vie en fait. Et la scène qui se passe dans une cuisine. Il y a l'image du film, ce premier plan. Voilà, tout à fait. Et la scène qui se passe dans une cuisine, je viens d'en parler. Elle arrive après. Elle se passe principalement en champ contre champ, dans l'économie la plus totale qui soit, même si elle est absolument brillante. Et il y a aussi une scène qui visuellement fait penser à Casino, du coup pour le coup, mais où la femme de Pacino est dans sa voiture et se demande si elle va exploser ou non. La musique s'arrête. Voilà, rien que sans aucun mot, là pour le coup, visuellement, cinématographiquement en parlant. On a tout compris, et comment ça se rallume, la musique. Voilà. Et c'est un petit instant suspendu comme ça que je trouvais assez beau. Merci messieurs, on a été de nouveau très long sur The Irishman, je propose qu'on enchaîne vite en quatrième vitesse avec Le Mans 66 de James Mangold. Ford hates guys like us because we're different. We heard he's difficult. Ken? No, Ken's a puppy dog. There's a problem. The computer will find it. Get some Scotch tape and a ball of wool. What are they doing? Making your car faster. Oh! That's more like it! 10 miles is not a Ford, man. We're on the verge of something. And now you tell me that I can't have the best man in the world behind the wheel? Give me one reason why I don't fire everyone starting with you. Well, sir, we're lighter, we're faster. So nice. And that don't work, we're nastier. Go ahead, Carol. Go to war. You got a plan? It's high risk. I thought the whole point was to win the damned race. Le Mans 66 ou Ford versus Ferrari, c'est le nouveau film réalisé par James Mangold, auteur de Copland en 97 ou encore de Identity en 2003. Son dernier film, c'était Logan en 2017. Le film est produit par la Fox, mais distribué par Disney, puisque c'est un projet qui date d'avant le rachat de la Fox par Disney. Donc. L'histoire, c'est quoi ? Nous sommes en 63, à la suite d'un affront personnel, Henry Ford II, dit The Deuce, engage Carroll Shelby, un ancien coureur automobile, pour mener l'écurie Ford à la victoire lors des 24 heures du Mans, ceci alors que le rival Ferrari règne sans partage depuis plusieurs années sur le monde des courses automobiles. Pour cela, Carroll Shelby engage le meilleur coureur encore en activité, Ken Miles. Dans les rôles principaux, on retrouve Matt Damon, qui est donc le designer automobile, et responsable de l'écurie, tandis que c'est Christian Bale qui endosse le rôle du pilote Franck Ducollier. James Mangold retrouve donc l'acteur anglais après 3h10 pour Yuma en 2007. Pour la petite histoire, il y a quelques années, c'était Brad Pitt et Tom Cruise qui étaient impliqués dans le projet avec Joseph Kosinski derrière la caméra. Heureusement qu'on a attendu un peu. Pendant tout un temps, Michael Mann était intéressé par le projet et on le retrouve ici au poste de directeur exécutif. Dans le projet de Michael Mann, Christian Bale avait le rôle de Ferrari. Hugh Jackman a repris le rôle et je pense que c'est Mangold qui a repris le projet. A priori, le film de Michael Mann, tel qu'il était vendu vraiment comme un biopic d'Enzo Ferrari. Ouais. Il est crédité là sur le Mans, mais j'ai pas l'impression que ce soit exactement le même film. En tout cas, moi, c'est clairement un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Le meilleur film américain de l'année à côté du magnifique Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. C'est pas du tout un film sur Ford et Ferrari qui est le titre américain. C'est vraiment sur des personnages de l'ombre, ceux qui ont participé à la réussite de ce Mans 66. Donc voilà, je trouve que c'est un film, presque un film miraculé, un film de contrebandier, parce qu'il n'y a pas besoin d'aimer les courses de voitures pour adorer ce film-là, parce qu'il est évident que ce que projette Mangold dans ce film-là, c'est des interrogations personnelles et sa manière d'évoluer au sein d'Hollywood aujourd'hui, cet artisanat du cinéma. Cette manière de mettre les mains dans le cambouis, comme le vont le faire Ken Mile, comme le fait Carroll Shelby, la possibilité d'exercer son métier dans un environnement somme toute assez hostile aujourd'hui. Il faut voir notamment comment est montrée la volonté de Ford à la fois de gagner cette course-là, mais d'évincer les principaux acteurs de cette réussite. À ce titre-là, c'est assez beau parce que ça rejoint un petit peu une imagerie de western et cette phrase de Ford, pour le coup de John Ford et pas Henry Ford, qui est Prince of Legend, et de montrer comment l'histoire de l'Amérique se construit avant tout sur un mensonge. C'est vraiment un western déguisé tout du long. Mangold s'est jamais caché de son amour pour le western. Copland est un western déguisé. Il a fait lui-même son propre western avec le remake de 3h10 pour Yuma. Walk the Line et Logan embrassent une imagerie propre western et je trouve qu'il y a quelque chose de très intelligent et que reproduisait aussi Tarantino dans son film, de s'emparer l'image du western pour dire il faut continuer à être des pionniers. Cette idée de conquête, toujours regarder l'horizon pour maintenir en vie son art et son corps de métier. Oui, c'est marrant, Manu, que tu parles de John Ford, parce que moi j'ai beaucoup pensé pendant le film à Howard Hawks, dans sa précision, dans son rythme et même dans cette manière d'utiliser l'humour parfois un peu potache pour faire surgir des moments d'émotion. Tu parles en effet de toute l'allégorie qu'il y a avec le cinéma et la manière qu'a Mangold de faire du cinéma et putain quel cinéma. Cette façon aussi qu'il a de s'éloigner du titre originel qui est donc Ford versus Ferrari et de s'éloigner de ces deux figures titulaires-là pour s'intéresser en fait à, comme tu le disais, à deux êtres animés par la passion, par une passion bien, bien singulière comme lui-même l'est par le cinéma. En soi, c'est, je trouve presque... presque un geste engagé, quoi. Comme plusieurs films aujourd'hui, le film a vraiment un discours sur la désobéissance. Et je trouve vraiment très, très fin là-dessus. Je trouve qu'il le fait assez bien, entre autres, à travers un payoff qui pourrait paraître un peu poussif autour d'une clé anglaise, qu'il présente en début de film à travers un geste de rébellion, entre guillemets, qui est rappelé au milieu du film et qui, à la fin, moi, m'a presque tiré les larmes parce que ce simple objet qui est présenté en début de film revient dans les mains du fils de Christian Bale. Et, enfin bref, je ne vais pas en dire plus, mais je trouve qu'il y a une très belle idée autour de cette clé anglaise. Je ne vais pas en dire plus parce que sinon ça déflore vraiment le film, mais il faut voir ça. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Il y a une efficacité assez dingue dans le film. Une fluidité, une maîtrise de scènes d'action. Et je trouve qu'il dose assez savamment l'alliage entre l'action, les enjeux économiques et historiques de l'automobile, enfin de Ford et de Ferrari, etc. Et le film de personnages, parce que les personnages, ils existent tous. Enfin, je vais mettre un petit bémol après là-dessus, mais à part un personnage qui, pour moi, manque de consistance, ils existent tous. Et je trouve qu'il y a des très, très belles scènes, notamment la scène où... Je peux dire ça, hein, je crois qu'il y a un personnage qui essaye d'évincer Christian Bale donc, de la voiture. Et la façon dont Matt Damon va enfermer le personnage pour ensuite faire un tour de circuit, disons. Enfin, c'est pas sur un circuit, mais aller faire un tour de voiture avec le propriétaire Ford. Je trouve la réaction... parce que le constructeur, donc le directeur Ford, va commencer à pleurer et à dire je n'imaginais pas ça. Et je trouve que c'est très drôle et en même temps que c'est très touchant la manière dont... Elle est très belle la manière dont il se rend compte concrètement des choses et la manière dont c'est amené dans la mise en scène, c'est très beau. Et ça raconte tout le personnage de Christian Bale qui est absent de la scène, mais qui, pour le coup, tout son parcours. Par contre... Je peux juste faire une parenthèse là-dessus. Je trouve ça super intéressant comment, en fait, tout ce qui se passe d'important dans ce film se passe dans l'habitacle de la voiture. Et tout ce qui est dit d'important sur les personnages se passe quasi systématiquement dans l'habitacle de la voiture. Et en fait, en filmant cette vitesse, cette technique, cette maîtrise de cet objet en mouvement qui va filmer ses personnages et qui va nous faire découvrir ses personnages. Ouais, moi j'aimerais bien. Je trouve ça très beau. J'aimerais bien pinailler et du coup lancer peut-être des questions parce que il y a quelques petites choses qui m'ont. Allez, poser problème, ce serait trop fort, mais où je m'interroge, c'est le premier, et je sens que ça peut faire réagir, c'est le rôle de la femme que je trouve, enfin la femme de Christian Bale, que je trouve qui est parfois bien amenée, mais je trouve que c'est ce personnage-là qui manque de consistance. Pourtant, elle a un parcours qui aurait pu vraiment être intéressant. Et notamment, il y a une scène où, disons, elle s'énerve, elle pète un plomb vis-à-vis de ce qu'il décide de faire, et elle accélère très fort dans une voiture. Et pour moi, je le comprends intellectuellement pourquoi elle s'énerve, etc. Mais je trouve que c'est pas vraiment amené dans son parcours avant. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette chose-là? Ça, c'est une première chose. Et les deux autres petites choses, c'est que je trouve le personnage du directeur commercial, je crois, qui s'appelle Bibi ou quelque chose comme ça, est un peu sous-écrit. En tout cas, je trouve bizarre sa colère et sa frustration. Il y a une première scène où il a une petite altercation avec Christian Bale vis-à-vis de son fils, mais je trouve qu'il en veuille aussi fortement et aussi longuement à ce pilote-là pendant tout le long du film, quitte à faire peut-être foirer sa propre équipe, j'ai du mal à comprendre pourquoi il en arrive là. Mais déjà, pour moi, pour revenir sur le personnage de la femme de Christian Bale, on vient de parler du Scorsese, mais c'est quelque chose qui revient régulièrement dans l'œuvre de Mangold, que ce soit dans Logan, dans 3h10 ou même dans d'autres films. C'est encore une fois ces personnages et les personnages qui les entourent qui se questionnent, oui, sur la mort et sur leur propre fin éventuelle. C'était très, très parlant aussi dans le cas du personnage de Logan, et c'est à nouveau le cas ici. Et je trouve, entre autres, dans des scènes que je trouve très belles, et cette scène de dispute dans la voiture, ou alors plus tard une scène que je trouve encore plus belle, qui est celle qui se passe à travers la vision de l'enfant qui ne comprend cette crainte que par rapport à sa mère, et qui donc je parle d'une scène où il regarde la course du Mans à la télé avec sa mère. il ne comprend cette crainte qu'à travers sa mère, et il est à la fois excité par l'éventuelle victoire de son père et apeuré par le risque qu'elle comprend. Et je trouve cette scène vraiment bouleversante. Et cette scène de discussion dans l'habitacle avec sa femme, où justement elle se met à dépasser les bagnoles de manière extrêmement dangereuse, est résumée aussi par l'action, aussi toute la problématique. Elle veut accompagner son homme dans sa passion, et aussi toute la crainte qu'il y a. Et quand même, le film est suffisamment jubilatoire, joyeux pour se déployer, mais il avance aussi d'une manière aussi avec une certaine nostalgie, et parce qu'il y a une tragédie au bout derrière tout ça. Et donc, je trouve cette manière de construire les personnages par l'action, dans la manière dont ils avancent, je la trouve bien mieux amenée, parce qu'elle est amenée par la scénographie. Tu as sans doute raison. J'ai une dernière chose. Alors, là, typiquement, mais c'est aussi par rapport à l'histoire, c'est ce qui se passe et ce qui est demandé à Christian Bale, et la décision qu'il prend par rapport au fait d'attendre ou non ses coéquipiers dans la course finale. Je trouve ça aussi un peu étrange, parce que autant le film, et vous l'avez bien dit, est basé non pas seulement sur le pilote, mais bien sur l'équipe et la construction, etc. Autant, par contre, on n'a jamais une seule image ou aucune notion de ses coéquipiers. Et donc, tout d'un coup, on leur demande qu'il y ait toute une construction vis-à-vis d'esprit d'équipe, de collectivité, etc., alors qu'on n'en a jamais entendu parler, et que le film est basé sur son personnage et sa voiture. À lui, j'ai trouvé ça étrange. Le film que est quand même basé sur l'interaction entre Matt Damon et Christian Bale. Oui, entre mais jamais avec un autre coéquipier. Mais justement, moi je trouve ça très beau, parce que justement, il déjoue, et je trouve justement cette scène extrêmement bien écrite, c'est qu'il déjoue ce côté-là. Bon, à un moment, ok, il y a cette individualité du personnage, et il faut quand même faire corps, cet aspect un peu de résignation, il faudrait embrasser la marque Ford pour s'accomplir complètement. Et il le fait de manière intelligente pour te dire qu'en fait, le personnage résout une problématique qui est interne à lui-même, et ça n'a rien à voir avec Ford. Il se pose un petit peu pour regarder dans le rétroviseur. C'est une idée, je trouve, brillante de mise en scène. Et à la fin, de toute façon, Mangold est très clair dessus. Le sort qui lui est réservé est une violence extrême. Il n'y a pas du tout de complaisance, ou un discours un petit peu béat et naïf sur un accomplissement au sein du groupe. Non, mais en tout cas, la manière dont il réagit à la course et à l'issue de la course est assez belle aussi, la manière dont c'est amené, dont c'est filmé. Donc Christian Bale prend le jeu sur l'issue de cette course du Mans. Olivier. Oui, écoutez, vous avez un peu tout dit. En effet, c'est un film assez hyper plaisant, qui est superbement bien exécuté. Voilà, il arrive à aménager une place à de très nombreux personnages secondaires, et il réussit à avoir vraiment jamais aucun temps mort. Il y a ce côté, cet amour pour le travail bien fait, cet amour de montrer les forces au travail qu'on voit souvent dans le cinéma de Clint Eastwood ou de Michael Mann, par exemple. Moi, le discours sur l'artisanat vis-à-vis d'une certaine industrialisation, en effet, on peut le lire par rapport au cinéma, mais je pense qu'on peut le lire par rapport à n'importe quel artisanat et n'importe quel amour. Quand je parlais de désobéissance, c'est de désobéissance au patronat. Ce film intervient dans un contexte très précis. Quand je parlais justement de ce rapport au western, cette imagerie de western très intéressante qu'applique Mangold au film, c'est typiquement cette écurie Ford, tous ces exécutifs qui pourraient être des exécutifs de studio. Ça me fait penser en fait à ces... les compagnies du rail qui arrivent dans les westerns, etc. Cette idée de progrès où les mecs vont anéantir une certaine idée de l'Amérique, en fait. C'est un film qui est rutilant comme une belle bagnole, c'est-à-dire que même dans la photographie, t'as toutes les... ça fait un peu formule, mais... Parce que la photographie en elle-même, elle est très, très clinquante, avec beaucoup de couleurs, on voit tout est vraiment à l'écran, le fric. En fait, c'est un film qui a coûté autour de 100 millions de dollars, mais vraiment, comme le Tarantino, on voit vraiment que le pognon est à l'écran et qu'on en a plein la gueule. Les scènes de course sont extrêmement bien réussies, extrêmement claires, extrêmement bien montées, où on comprend tous les enjeux. Elles sont terribles. Dans la manière dont ils cadrent tout, dans les directions des voitures, c'est brillant, mais dans une économie de narratif classique, la manière dont il te fait littéralement jouir de ces moments d'intensité au sein de la course, c'est brillant. Et notamment, il y a un moment, je trouve génial, vers la fin du film, où il montre en fait le doigt d'honneur qu'adresse Ken Miles au chef com de Ford par cette lisibilité de sa mise en scène, ses choix de cadre. Il y a un moment, clairement, en le dépassant, en faisant l'inverse de ce que demande le chef com, il retourne à l'image le personnage de, dans un champ contre champ très bref, il retourne le personnage du cadre commercial qui est complètement dépité. D'autant plus que même ce qui se passe au niveau du paddock est hyper clair, hyper fluide, alors que bon, quand on n'est pas habitué au monde des courses automobiles, c'est un truc qui peut sembler parfois difficile sur certains enjeux. Ici, bon, voilà, il y a vraiment un travail d'orfèvre au niveau de tous les enjeux sur tous les personnages. C'est hyper bien fait, c'est hyper agréable à suivre, tous les enjeux sont super clairs, super nickel. À tel point qu'on pourrait dire même que c'est un film qui, quelque part, ne prend pas, enfin, dans lequel le spectateur n'a pas énormément de place. C'est-à-dire que c'est un film où on est toujours extrêmement sûr de qu'est-ce que les personnages éprouvent à tel moment, etc. Très en phase avec son sujet, en gros. Oui, oui. Tout à fait, très en phase avec son sujet, et très clair, voilà, très dirigé, très clair, enfin voilà, impec, nickel. Il y a cette figure qui est reprise du perfect lap, voilà, bah, c'est un film qui fait un perfect lap, quoi. C'est-à-dire qu'il ne fait aucune sortie de route, il ne fait aucun faux pas, il ne fait aucun faux geste. C'est un film qui performe d'une manière très... très fluide et sans aucune sortie de route, encore une fois. Mais on peut se dire aussi que bah, parfois, on aime bien les sorties de route, on aime bien que les gens aillent dans le rouge, qu'ils prennent des risques, qu'ils pètent leur moteur. Et voilà, si le film est clairement plus du côté de l'artisanat et donc quelque part du côté de Ferrari, je pense que c'est quand même nettement plus une Ford qu'une Ferrari. Ouais, on va peut-être pas reprocher un film de pas avoir de défauts, quoi. Tu vas pas de reprocher à un film d'être trop bien mis en scène, trop bien écrit, trop bien interprété. Je trouve ça un petit peu léger en termes de critique d'un film. D'autant plus quand aujourd'hui le paysage du cinéma hollywoodien est justement sous-écrit, sous-mis en scène, sous-produit, et justement de voir quelqu'un qui rappelle à un moment les bases du métier et le manière de le faire en plus de manière hyper humble, parce que c'est vraiment, entre guillemets, il te parle de métier, il n'est pas dans une position d'artiste ou quoi que ce soit. Et s'il y a une sortie de route, il y a une sortie de route tragique pour un des personnages, et je trouve la manière dont il le fait en le faisant se fondre dans l'horizon, c'est hyper beau. Et aussi tout le côté un petit peu nostalgique que porte le film vis-à-vis de ça. Ce monologue intérieur qu'a le personnage de Matt Damon sur ce corps qui est comme ça à un moment en lévitation à une certaine vitesse, ben il est très beau comment il le fait graduellement progresser vers le personnage de Ken Miles. Et en fait, tu vas comprendre que ça représente en fait la destinée de Ken Miles. Il y a une sortie de route et elle est quand même dure parce qu'elle te dit d'une certaine façon, peut-être que ces gens-là, ils n'ont plus leur place aujourd'hui dans la manière dont on fait ce cinéma-là. Moi, ça me touche quand tu vois comment il est évincé de la photographie du Mans, le personnage de Ken Miles. Cette scène magnifique dont parlait Manu plus tôt, Laquelle elle est la scène de la sortie de route, comme il dit, de la mort d'un personnage. Elle est rendue possible d'abord par cette très belle idée qui est de faire un peu, comme le disait Manu à demi-mot, mais de faire une sorte de double personnage principal, de faire deux personnages qui se répondent un peu tout le temps. Le film étant compté depuis la voix de Matt Damon, la voix intérieure de Matt Damon, qui est un peu le personnage pour lequel on pourrait avoir le moins de sympathie, parce qu'il arrondit les angles lui aussi. Et il a un côté un peu trop bon samaritain, pas assez rockstar que pour être vraiment aimable au plus haut point. J'y mettrai une nuance parce que justement, il montre quand même que ça ne se départit pas d'une certaine roublardise. Parce que typiquement, au moment du Mans, il y a des petits coups de traite qu'il fait à l'écurie de Ferrari, et je trouve ça assez bien vu sur le fait que bon, voilà, il n'y a pas quand même justement l'image du bon samaritain, il y a de la roublardise derrière aussi tout ça. Bien sûr, mais ce que je voulais dire, c'est que cette scène elle est possible, la beauté de cette scène est possible parce qu'en fait, comme tu le disais, la mort est filmée de loin et depuis le point de vue de deux personnages en fait, qui est celui du fils de Christian Bale et de Matt Damon, presque comme si cette mort ne pouvait être qu'irréelle. Et c'est seulement lorsque c'est confirmé et à travers, je reviens dessus, sur le payoff qu'il y a autour de cette clé anglaise, que chez moi, en tout cas, surgit vraiment une forte émotion liée à cette scène, mais presque à contre-temps. Et je trouve ça absolument magnifique. Et c'est rendu possible à travers la construction de ces personnages-là. Donc quand j'entends que le film est parfois un peu brosse, peut-être un peu trop vite certains de ces personnages, c'est un argument que j'arrive pas à comprendre. Je comprends très bien que vous disiez, Lucien et Manu, qu'on ne peut pas reprocher à un film d'être trop maîtrisé, trop bien mis en scène, etc. Mais je comprends aussi, je ne pense pas que ce soit ça que tu lui reproches, mais je comprends aussi Olivier, du coup, qui dit effectivement, il est tellement bien foutu, efficace, rutilant que la place du spectateur se pose et qu'on ait envie parfois que ça puisse ne pas être tout le temps parfait. Moi, je sais que c'est un argument qui, en critique, n'est pas toujours recevable, mais moi, je comprends qu'on ait besoin d'un débordement, d'une faille. Donc, de nouveau, je ne reproche pas au film d'être trop parfait, ok ? Je dis juste que c'est un film, en effet, jubilatoire. Tu prends ton pied pendant 2h20, c'est clair, tout est hyper fluide, limpide, et c'est tout ce qu'en effet on attend du cinéma américain, et ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment du bien de voir ça. En plus, c'est bien joué, les acteurs s'éclatent, et tu sens qu'ils s'éclatent. Mais c'est juste que je dis que c'est un film où le spectateur n'a pas beaucoup sa place et qu'il a peu à emporter avec lui. Donc tu jouis sur ton fauteuil pendant 2h20, mais quand tu rentres à la maison, ben moi j'en ai moins de souvenirs qu'un film qui m'a procuré sans doute moins d'émotions directement qu'un film comme The Irishman, par exemple. Je suis d'accord avec ça. Ça n'engage que toi, parce que justement, typiquement, cette manière de compter à rebrousse-poil, ben, quand même la tragédie de ce personnage-là qui est resté dans l'ombre de cette réussite-là, c'est fait avec une belle retenue. Et justement, de voir à ce point-là que... sur un film de commande, Mangold s'empare de ce récit-là pour en faire quelque chose qui est évidemment très, un rapport très intime qu'il a par rapport à la création, aux questions qui se posent vis-à-vis de sa place aujourd'hui à Hollywood. Ben, je suis désolé, mais oui, ça me dit beaucoup sur l'état du cinéma actuel. Mais c'est juste... tant mieux pour toi, Manu. Tant mieux pour toi. Mais moi, par exemple, tout ce qui se passe autour du personnage du gamin, je l'appréhende bien, mais ça ne m'émeut pas. Le film ne m'émeut pas, jamais. À part dans les scènes, en effet, qui sont jubilatoires. Et elles le sont. Mais sur les enjeux humains, le film ne m'émeut pas, jamais. Après, je suis peut-être une ordure. C'est peut-être le Kevin Feige de l'émission. Hein. Même en dehors de l'émotion, comme le dit Manu, moi, je reviens quand même... Donc évidemment avec cette émotion, mais je reviens quand même avec un vrai propos, quoi. C'est pas il y a des films qui m'émeuvent pas mais qui me suivent parce que j'en ai capté le propos simplement. Et ici, non seulement pour moi il y a de l'émotion, mais il y a un vrai propos qui tient et qui ne s'arrête pas une fois que le The End apparaît à l'écran. Voilà, moi c'est vrai que quand pour moi, Michael Mann est peut-être le plus grand cinéaste américain de ce siècle-ci, et quand j'ai appris, sans avoir trop suivi les changements du projet, que c'était plus Michael Mann qui était en charge de ce projet avec Christian Bale autour de Ferrari, mais Mangold, je me suis dit bon, ça va être sympa, mais dommage quand même. Et puis quand je vois ce qu'il nous offre, bah ouais, c'est purement ce que j'attends du cinéma hollywoodien, quoi. Un vrai film de contrebandier, comme le disait Manu. Très bien, merci messieurs. Je propose qu'on s'arrête ici sur le film et qu'on passe à J'accuse de Roman Polanski. Vous êtes désormais responsable du renseignement. Mon colonel. Si nous découvrons que Dreyfus n'est pas de traître, je pense que nous devrions agir rapidement dans l'intérêt de l'armée. Bon Dieu, mon colonel, laissez tomber. Ce sont eux les chefs. Nous suivons leurs ordres. Je ne veux pas d'une autre affaire Dreyfus. Ce n'est pas une autre affaire Dreyfus, mon général. C'est la même. Où est le dossier secret sur Dreyfus ? Désormais, je m'en chargerai personnellement. On intercepte mon courrier. Je suis constamment suivi. Peux-tu prouver tout cela ? Je voudrais éviter un scandale. C'est déjà un scandale. Tu devrais quitter Paris quelque temps. Et toi ? J'ai l'honneur de vous présenter, monsieur Émile Zola. Quelqu'un doit exposer toute l'histoire. En tant qu'officier d'actif, je ne peux rien écrire là-dessus. Vous non, mais moi si. Malgré la polémique sur laquelle nous ne reviendrons pas ici, l'équipe de transmission a souhaité traiter du film de Roman Polanski, simplement parce que l'œuvre de Roman Polanski est à nos yeux importante, tant historiquement que dans nos vies de cinéphiles respectifs. Ceci n'est pas non plus une prise de position de notre part par rapport à l'affaire Polanski en elle-même. Néanmoins, il est possible que le contexte de sortie de J'accuse donc ait teinté notre réception, mais je laisse chaque transmetteur libre de parler de ça quand il aura la parole. Donc J'accuse, c'est une adaptation par Roman Polanski lui-même du roman D, écrit par le journaliste britannique Robert Harris. Le film se déroule à Paris en 1894 et commence sur la dégradation du capitaine français de confession juive, Alfred Dreyfus, accusé d'espionnage à la solde des Allemands. Le colonel Marie-Georges Picard, dont Dreyfus fut l'élève, est promu au service des renseignements et progressivement, il découvre des zones d'ombre dans le dossier qui a conduit à l'accusation d'Alfred Dreyfus. Le film est interprété par pléthore d'acteurs français de la Comédie française, de l'Académie française. Jean Dujardin, Louis Garrel, Mathieu Amalric, Melville Poupeau, Grégory Gadebois, Vladimir Yordanov ou Damien Bonnard encore, qu'on retrouve après Les Misérables. Ouais, bah, je commencerai bien sur le film, mais comme tu as commencé sur aucun film aujourd'hui, Oli, je te renvoie la balle. Oh merci, c'est d'un naturel tout ça. Qu'est-ce que tu as pensé de J'accuse ? Eh ben, j'ai trouvé que c'était un film pas très clair. J'ai plutôt apprécié le film, même si je trouve qu'il y a des énormes problèmes. J'aime vraiment bien le début. Et surtout, je trouve que le propos du film, au début du film, est très clair. C'est sur cette France faisandée, là, symbolisée par ce personnage syphilitique, par le fait que Dujardin ne sache pas ouvrir les fenêtres de son bureau. Voilà, il y a quelque chose qui croupit, il y a quelque chose, voilà, cette haine de l'étranger, cette haine du, cet antisémitisme, etc. Je trouve que tout le film va vraiment bien dans un sens. Et puis après, il y a le côté un peu qui commence sur l'enquête, que je trouve sympa, dans cette espèce d'enquête dans les bas-fonds d'un Paris en déliquescence. Et puis après, au bout d'un moment, je trouve que le film se perd. Je ne sais plus très bien ce qu'il veut me raconter. Je trouve que la structure est très problématique. Cette fin, c'est comme s'il n'y avait pas de climax. Elle est découpée avec des sauts dans le temps de manière très bizarre. Et surtout, ce qui me laisse constamment à distance par rapport au film, je trouve que tous les extérieurs sont atroces. Vraiment, à chaque fois qu'on est en extérieur, tout ce qui est photographie, décor, direction artistique, reconstitution, j'ai vraiment un gros problème avec ça. Dans les plans larges, j'ai passé mon temps à chercher, on voyait des fenêtres avec des fleurs aux fenêtres, je me disais, tiens, est-ce que c'est en plastique ou est-ce que c'est en terre cuite, enfin, des trucs comme ça, et j'ai vraiment décroché dans sa deuxième partie. Mais moi, je suis d'accord avec toi, parce que bon, la réception du film est sûrement teintée de l'affaire qui entoure la sortie du film, mais plus qu'un film qui sent le souffle, pour moi c'est un film qui sent le formol. On parlait du film de Scorsese, que certains pourront qualifier de film grabataire, ce qui n'est pas, mais là pour le coup, pour moi c'est vraiment un film grabataire. J'ai trouvé le film d'une laideur visuelle absolue, avec des incrustations numériques franchement dégueulasses. Ça m'a rappelé le dur souvenir de l'Anglaise et le Duc de Romer dans ses expérimentations foireuses. C'est une dimension extrêmement figée, corsetée de ses cadres, un côté théâtral surjoué, la dégradation du capitaine Dressu. Je suis désolé, mais les armes qu'on brise sur un genou comme ça en début de film, ça fait vraiment au théâtre ce soir. C'est une référence à une gravure très célèbre. Mais justement, ça, pour moi, au cinéma, il se pose pas du tout la question de la manière de le restituer au cinéma, cette dégradation, et donc ça fait extrêmement factice. Tu sens vraiment les fonds verts, les incrustes, c'est vraiment assez hideux. Effectivement, toute la partie enquête, début d'enquête, est assez intéressante parce qu'on rentre dans un récit beaucoup plus ludique et c'est assez bien rendu cette France sclérosée qui attache assez peu d'importance au final à la question de la vérité. Après, comme toi, je trouve que c'est un film assez mal raconté, parce qu'à la toute fin du film, quand vient cette confrontation entre Picard et Dreyfus, le dialogue qui est échangé entre eux, tu ne sais pas trop comment se positionne Polanski vis-à-vis de ça, les reproches qu'adresse Dreyfus à Picard, c'est assez peu clair. Et en plus, on reproche dans la sortie du film le fait que Polanski se projette dans le personnage du capitaine Dreyfus. Le capitaine Dreyfus est un personnage extrêmement périphérique au récit. J'ai pas du tout trouvé pour le coup. J'ai du mal à voir en quoi il se projette. Alors, c'est des propos qu'il a tenus dans un dossier de presse, mais dans la réalité du film, on est vraiment centré sur ce personnage de Picard, qui est un personnage un peu ambigu parce qu'en fait, il est clairement antisémite, mais qui, à un moment, va avoir une question quand même de morale qui va se poser à lui par son professionnalisme. Et ça, je trouve ça assez intéressant, sauf que le film, vu qu'en fait, il ne sait pas trop sur quel pied danser avec ce personnage du capitaine Dreyfus, arrive sur un final déceptif et qui questionne sur qu'est-ce qu'a voulu me raconter Polanski. Je vais peut-être revenir sur des choses qui ont été dites, mais en prenant un angle un petit peu différent, parce que même si je suis d'accord dans l'ensemble, il y a des choses que j'ai envie de soulever. D'abord, oui, en effet, l'actualité récente pousse, en tout cas, je ne sais pas si elle teinte le film, mais elle pousse à teinter la vision qu'on peut en avoir. Alors après, le film parle en effet de persécution, d'erreurs judiciaires, de justice populaire, etc. Mais c'est quelque chose, ce sont des thèmes qui reviennent quand même très régulièrement chez Polanski, et pas uniquement dans celui-là. Donc oui, en effet, on peut, on peut apposer une grille de lecture à ce film-là, mais comme on pourrait la poser à bien d'autres films de Polanski. Je suis d'accord sur le fait que ça sent un peu le formol, ça sent un peu la reconstitution, c'est esthétiquement souvent dégueulasse, mais il y a quand même des choses qui me plaisent dans le film. Entre autres, la direction artistique à l'intérieur des bâtiments, qui me fait penser pour moi à certains moments au Locataire, toute proportion gardée, dans cette manière de filmer vraiment des bâtiments kafkaïens qui soignent un peu la maladie et l'entre-soi putride de cette France étatique un peu de l'époque. Je trouve que l'idée de questionner toute cette affaire à travers un angle bien précis qui est celui du colonel Picard, qui est un homme qui met ses a priori de côté pour mettre la morale en avant, qui est en fait un homme très droit, ben ça se retrouve un peu dans la mise en scène du film, qui est vraiment très, très figé. Et alors, je ne sais pas si c'est une volonté de la part de Polanski, en tout cas, c'est vrai que ça abîme un petit peu la vision, mais en même temps, théoriquement, je trouve ça intéressant, donc il y a un petit paradoxe là-dessus. D'ailleurs, je trouve ça pas inintéressant la manière dont il filme, j'ai l'impression que quasi tout, enfin en tout cas énormément de scènes, entre autres la scène d'ouverture et un duel entre Gadebois et Dujardin plus tard dans le film, de manière vraiment comme un observateur, comme ça, qui avec des travelling de droite à gauche. Alors je sais peut-être pas aller trop loin et commencer à interpréter la droite et la gauche, mais en tout cas il y a quelque chose de d'intéressant là-dedans. Et puis il arrive quand même à faire vivre et à rendre un peu lisible certaines scènes à travers une forme de je parlais tout à l'heure de ce côté figé, raide, mais on peut aussi voir une sorte de minimalisme de lignes claires presque, qui permet de voir un peu tout le côté théorique qu'on peut apposer à l'œuvre, mais quand même qui se fracasse dès que tu passes. Oui, Olivier en parlait sur les extérieurs, c'est d'une. Les extérieurs sont dégueulasses, c'est horrible, on est absolument ça d'accord. Ça ne vit pas et pas par une intention de mise en scène, parce que vraiment, il y a des choix de direction artistique qui sont hideux. Et en plus, dans les extérieurs, la direction des figurants aussi est catastrophique. Ouais, je suis absolument d'accord là-dessus. Après, pour revenir sur une autre chose que vous avez déjà dite, mais que je trouve peut-être un petit peu plus intéressante que vous, c'est cette première partie qui est en effet plus intéressante, plus lisible que la première, mais c'est vraiment... Que la seconde. C'est vraiment une idée peut-être un peu théorique à nouveau, de peut-être que Polanski est devenu un vieil homme qui n'incarne plus vraiment ses films et qui les pense quand même toujours assez bien, je pense. L'idée de mouvoir l'intrigue d'espionnage assez peu lisible en avançant de petites révélations en petites révélations et de rebondissements à travers le MacGuffin du bordereau, qui vraiment, à chaque fois qu'il passe dans une main, accuse quelqu'un d'autre presque. Il y a un côté un peu, on est un peu perdu là-dedans. Et dès l'arrivée de Zola, le film Zola, qui représente la face émergée de cette affaire connue du grand public, le film devient un film judiciaire qui éclaircit des pistes qui avaient été un peu brouillées auparavant. Donc sur la structure, on retrouve un peu ce que j'avais beaucoup aimé dans le travail qu'ils avaient fait ensemble avec Robert Harris sur The Ghostwriter, mais c'est beaucoup, beaucoup plus désincarné. En tout cas, la mécanique thriller fonctionne beaucoup moins pour moi. Ouais, j'ai pas énormément de choses très intéressantes à dire. J'ai trouvé ça d'un ennui assez terrible. Et justement, après, c'est une question de parti pris. Lucien vient d'en parler, cette mise en scène classique, figée, etc., qui se concentre principalement sur le personnage de Picard, etc. Bon, voilà, c'est un film un peu surgelé, quoi. Excellent. C'est quand même une affaire qui a remué de façon sismique la société, qui a un peu comme... C'est en ça aussi que ça teinte l'histoire de Polanski, c'est que c'est une affaire où tout le monde avait son avis et tout le monde avait quelque chose à dire sur cette affaire. Et en choisissant, du coup, de se focaliser sur les deux personnages et donc sur le thriller de la lettre, moi, ça m'intéresse pas énormément. Je m'ennuie très vite. Il y a la scène de duel à l'épée dont tu parlais que je trouve un petit peu intéressante parce que mise en scène et parce que je sais pas, les corps en mouvement, etc. Mais et j'ai noté aussi cette fin dont tu parlais, Olivier, d'ellipse narrative assez étrange où on pense qu'il va être gracié, finalement il ne l'est pas, puis finalement il y a une ellipse. Ah, en fait il a eu la grâce présidentielle. Ah bah alors ça c'est très chouette, dit Emmanuel Seignier en substance, en jouant comme une patate. Il y a ce truc aussi anticlimax, hyper bizarre de l'assassinat de l'avocat quoi. Oui. Il y a plein de choses qui sont extrêmement bizarres dans la deuxième partie du film. Qui est juste un fait historique, mais qui est jamais incarné dramaturgiquement. Ça n'a aucune incidence en fait dans le récit. Et ce qui est bizarre aussi, c'est quand même que avant que Dujardin n'aille rencontrer Zola. Il fait même cette espèce de moment qui dure 5 minutes dans le film où tu as vaguement une réminiscence du Polanski paranoïaque. Et c'est plus jamais repris dans le film. Ça n'existe que pendant 5 minutes au milieu du film. Mais il a de très très bonnes critiques en général dans la presse. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi. Et on parle beaucoup d'Hitchcock et d'un suspense haletant et de personnages seuls contre tous. Moi-même, sans aller jusqu'à Hitchcock, j'ai beaucoup pensé en voyant le film à d'autres films de Polanski. Mais la comparaison ne tient pas longtemps la route avec sa propre œuvre à lui. Il en est loin. Et ouais. Pour revenir sur un autre truc un peu étrange dans le film, c'est la relation de Picard avec sa maîtresse n'apporte absolument jamais rien, et à part des scènes un peu chiantes avec une actrice qui joue comme une patate, en effet, mais ça, c'est depuis toujours. Ça rejoint les extérieurs de ce que disait Oli. Il y a le côté un peu suranné, grabataire, disait Manu. Et il y a une bagarre de rue aussi qui se passe. Enfin, moi, je vois limite, ils sont avec leur petit chapeau melon. Ça me faisait plus penser à Dupont et Dupont qu'à un film historique. Elle est drôle, cette scène. C'est un film pour moi sans vie, quoi. Ils pensent peut-être encore bien à ces films, mais ils sont complètement désincarné. Ouais. En tant que spectateur, c'est quand même difficile à regarder. Et c'est pour moi un film extrêmement anecdotique qui est largement rehaussé par l'affaire médiatique qui entoure sa sortie. C'est un film extrêmement mineur dans la filmo de Polanski qui, depuis de toute façon, à un certain moment, sucre les fraises. Ouais, après, je ne sais pas si vous aviez vu son précédent, mais celui-ci est incomparablement supérieur. On peut quand même sauver Jean Dujardin qui tient quand même la tête, il tient la barque. Quoi. Ouais, je trouve que Gadebois est pas mauvais non plus. Enfin, il y a plein d'acteurs et c'est vrai que Dujardin est très bien dedans. Il tient clairement le film. Une grande partie du plaisir du film est quand même repose sur ses épaules, quoi. Merci messieurs. Eh bien, nous allons maintenant passer au conseil. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. On fait maintenant un petit tour de conseil, on commence par Julien. Julien, qu'as-tu à nous conseiller ? Alors je vais vous conseiller un film qui est une petite surprise pour moi, vu que je n'entendais rien, qui s'appelle « Ne croyez surtout pas que je hurle ». Qui est réalisé par Franck Beauvais. Ça raconte l'histoire d'une rupture amoureuse. En fait, c'est un réalisateur qui s'est exilé en Alsace pour vivre avec son compagnon. Et à la suite de cette rupture, il se retrouve complètement perdu dans un petit village alsacien. C'est la France 2016, donc en état d'urgence. Il est complètement perdu dans le flot, dans ce qui se passe politiquement. Et il regarde 4 à 5 films par jour et il décide d'en faire un documentaire. Et il dit « Je décide de restituer ce marasme, non pas en prenant la caméra, mais en utilisant des plans issus du flot de films que je regarde. » Donc il a vu près de 600 films, je crois, en 4 ou 5 ans. Et il utilise les images de ses films pour faire des plans. Et en même temps, il parle de sa rupture. Il y a un monologue de ce mec qui parle sur des plans de films qu'on connaît, qui vont de 1930 à aujourd'hui. Et c'est quelque chose d'assez singulier, d'assez fort. Ça ne dure pas longtemps et c'est un petit choc esthétique et émotionnel. Merci. Julien, c'est sorti ou on peut juste le voir si on galère bien ? Non, c'est sorti, mais je crois qu'il est déjà en passe de ne plus l'être à l'heure actuelle. Il est encore aux galeries pour l'instant, mais je crois que ça ne va plus durer très longtemps. Très bien. Bientôt sur laplateforme.be, par exemple. Lucien, qu'as-tu à nous conseiller ? Moi, je vais vous conseiller un film dont on aurait pu parler un peu plus longuement dans l'émission, mais voilà, question de calendrier, ça ne s'est pas fait. C'est la très belle adaptation du encore plus beau bouquin de Jack London, qui est Martin Eden, film italien qui transpose le bouquin de London en Italie dans une époque inqualifiable. L'adaptation est un peu libre et choisit d'amoindrir un peu le côté la romance du bouquin pour approfondir le côté son côté politique, son propos politique qui avait été assez mal reçu à l'époque. Je trouve qu'il le fait de manière assez fine. Le bouquin est un bouquin magnifique. C'est un personnage immense. Je trouve que l'acteur qui l'interprète l'est aussi vraiment tout en nuances, assez incroyable. On sent que le réalisateur adore son personnage sans totalement adhérer à son propos. Voilà, on aurait pu parler des heures du film, mais c'est un film qui vaut la peine pour ceux qui ont lu le bouquin ou pas d'ailleurs. Très bien, merci Lucien et Manu. Moi, Olivier, je vais faire deux conseils assez courts. Ça sera Hoffa de Danny DeVito, justement pour revenir sur la figure de Jimmy Hoffa. Danny DeVito est un réalisateur assez sous-estimé et son Hoffa est vraiment un film à revoir, d'après un scénario de David Mamet. On y voit beaucoup plus la période, une période qu'on ne voit pas dans le film de Scorsese, qui est l'ascension de Jimmy Hoffa, interprété par Jack Nicholson, au sein du syndicat des Teamsters, puis c'est un syndicat des camionneurs américains, jusqu'à sa chute, qui est filmée d'une autre manière, avec une autre vision sur la fin de Jimmy Hoffa, puisque le film est antérieur aux révélations faites par Frank Sheeran, sur lequel est basé le film de Scorsese. Et mon deuxième conseil, ça sera pour rebondir sur Les Misérables, un film de Stefano Solima qui s'appelle All the Cops Are Bastards, qui justement suivait, lui, non pas une équipe de la BAC, mais une unité anti-émeute italienne. Il se terminait quasiment de la même façon que le film de Lajli, mais de manière beaucoup plus frontale, avec une idée que de toute façon le choc il était inévitable, contrairement au Lajli. Voilà, je trouve que c'était un film extrêmement fort pour parler de la situation sociale et politique de l'Italie de l'époque, et qui transparaît encore aujourd'hui, et la manière dont l'Italie a complètement implosé. Un film qui, à mon sens, autant sur le plan cinématographique que politique, allait plus loin, était plus radical que Les Misérables. Merci beaucoup Manu. Quant à moi, je vais faire un petit peu d'autopromotion. Vous pouvez nous liker, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, vous pouvez nous laisser des commentaires, ça nous fait beaucoup plaisir. Et puis, je voulais vous dire aussi qu'on a une nouvelle rubrique hebdomadaire qui s'appelle La Dernière Séance, dans laquelle vous en apprenez plein sur nous et sur ce qu'on aime et sur ce dont on parle en off. Voilà. Donc, sur comment on écrit. Et sur comment on écrit, parce que oui, voilà, c'est vrai qu'on s'exprime assez mal et on écrit encore pire. Donc venez constater ça. Merci beaucoup à tout le monde. On essaye de vous revenir pour une émission actu avant le 31 décembre. Mais à très bientôt.